sont comme des yeux de femme avec tout leur mystère. Est-ce que l'on comprend pas? Quand elle parle, j'entends sa voix qui dit parfois des mots que je comprends parfois. Et puis des fois, elle parle pas. Et on n'entend plus rien. Sauf ses yeux avec tout leur mystère. Est-ce que l'on comprend pas? Moi j'aurais fait n'importe quoi. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois. Pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois. De femmes avec tout leur mystère, est-ce que l'on comprend pas? Quand elle parle, j'entends sa voix qui dit parfois des mots que je comprends parfois. Moi j'aurais fait n'importe quoi, d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois. Pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois. Pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois. Pour qu'elle m'aime tous les jours et les nuits plusieurs fois.